À 5, il y a. Yujad. Écoutez et répétez. Il y a un problème difficile. Yujad mushkila sa'ba. Il y a un restaurant bon marché. Yujad mat'am rakhis. Il y a un train à 6 heures. Yujad qitar ala sa'a 6. Il y a de l'essence dans la voiture. Yujad benzine fi sayyara. Il y a du sucre dans le café. Yujad sukkar fi al-qahwa. Y a-t-il une piscine à l'hôtel? Hal yujad masbah fi al-funduq? Y a-t-il un train à 7 heures? هل يوجد قطار على الساعة 7؟ Y a-t-il un cinéma dans le quartier? هل يوجد سينما في الحي؟ Y a-t-il une pharmacie ici? هل يوجد صيدلية هنا؟ Y a-t-il un téléphone dans votre bureau? هل يوجد هاتف في مكتبك؟ Il n'y a pas de train à 8 heures. لا يوجد قطار على الساعة 8. Il n'y a pas d'essence dans la voiture. لا يوجد بنزين في السيارة. Il n'y a pas de cinéma dans le quartier. لا يوجد سينما في الحي. Il n'y a pas d'aéroport proche d'ici. لا يوجد مطار قريب من هنا. Il n'y a pas de musée intéressant dans cette ville. لا يوجد متحف مهم في المدينة.